je ne suis pas aussi jeune que l'on croit. 20 piges entamées, crois-moi, je crois dur comme fer que la vie m'a réservé. Un putain de mauvais sort, je deviens paranoïaque, insomniaque. Cauchemar vivant de mes nuits, une balle, trace de l'impact. Suis-je destiné à mourir jeune? Sur mon visage se dessine une colombe morte. Marre d'être seul, pour seul confie dans l'homme au trident, le tapant, un cri strident. Le tien, le jour de ta chute. Sur mes blessures, le souffle du vent, je m'attends. Au guet-apens me relate, crime et châtiment, j'ai commis certaines erreurs. Veux garder ma place parmi les vivants, il est trop tard pour me confesser. Trop tôt pour sombrer, j'ai peur de marcher dans la ville. Je suis pas muni d'un gilet, j'ai comme des prémonitions. Je vais crever en eau trouble, je peux encore rien affirmer. Seuls les médias me connaissent le coup, rien de plus sérieux. Je suis sérieux, ne te retourne pas, je suis compris dans ma psychologie, ma paranoïa. Je suis comme qui dirait, paranoïaque. Je suis comme qui dirait, paranoïaque. Je suis comme qui dirait, paranoïaque. Je suis comme qui dirait, paranoïaque. Pourquoi je marche seul dans ma lutte, fermant un œil sans garde du corps. Chaque regard sur moi est une fouille au corps. Ennemi de qui? Ami de quel? Hypocrite, je serre des mains. Demain ça risque de me créer des surprises de conscience. Mais bon j'avance, la mort j'y pense. Ma vie est un long fleuve où mes démons sont en transe. Paranoïaque, je me vois déjà finir dans un sac. Avant même d'avoir donné la vie, dans la mienne on me sac. 25 piges, chienne de ville, loin de cette passe sur un hamac. Les portes de Clignancourt se sont fermées derrière moi, les obstacles résident dans tout quartier. Même les plus friqués, le sang ne cesse de couler. Faut-il que je sois armé, pourtant armé de bon sens. Mais le mal s'en contrefou. S'il te cherche, te trouve. S'il te trouve, tu finis dans un trou. Je ne connais plus le sommeil dehors. Les soldats de plomb, plus le temps de bailler aux corneilles. Ils ont la baïonnette au canon. Je suis comme qui dirait, paranoïaque. Je suis comme qui dirait, paranoïaque. Je suis comme qui dirait, paranoïaque. Je suis comme qui dirait, paranoïaque. Fini le temps où j'observais les roses fleurir dans les parcs. Aujourd'hui je ne m'arrête plus de peur d'être pris dans un cul-de-sac. J'entends le son des violons, une symphonie mal orchestrée. Je vois un chant de chrysanthème ayant poussé sur du béton armé d'oum. Me cacher était la meilleure des solutions. Écoute bien papillon, c'est la loi de la raison. Ok mais bon, plus possible de montrer ma tête dans Paris. Je parie que même mes amis ont pris la forme de l'ennemi. T'en fais pas, on est tous désignés pour mourir. On a chacun sa place au calendrier. Chacun ses souvenirs, souviens-toi dans tes textes. Ton côté optimiste, oublie leur liste. Mais prête attention aux pneus qui crissent. Suis-je attristé de finir comme le Christ crucifié dans son environnement? Sous le regard de ma famille, j'ai peur de finir mal. Laissant la peur que j'ai derrière moi, comment taire dès maintenant? Je me terre dans la paranoïa. Je suis comme qui dirait, paranoïaque. Je suis comme qui dirait, paranoïaque. Je suis comme qui dirait, paranoïaque. Je suis comme qui dirait, paranoïaque. Je suis comme qui dirait, paranoïaque. Je suis comme qui dirait, paranoïaque.